gens qui sous la terre, pas qu'à ouais petit bon Dieu. Yo pas ça quoi dans bien, yo plutôt quoi dans mal. On nous cherche l'union, on nous demande la paix. Le sang n'a pas, ouais, pour nous toutes nous c'est vrai. On fait ses rêves. Sacré couche fermée à la dracaro.